5. Le livre des salutations. Chapitre 131. Le mérite de saluer les autres et l'ordre de répandre le salut. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Sourate 24, verset 27. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. Sourate 24, verset 61. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Sourate 4, verset 86. Est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteurs inconnus ». Sourate 51, verset 24 et 25. 845. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, un homme interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Quel est le meilleur islam ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « C'est nourrir les autres et saluer les gens, que tu les connaisses ou non. » Al-Bukhari et Muslim. 846. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Lorsque Allah Ta'ala créa Adam, il lui dit, « Va saluer ceux-ci, un groupe d'anges qui étaient assis, et écoute leur manière de te saluer, ce sera ta manière de saluer et celle de ta descendance. » Adam dit aux anges, « Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. » Ils répondirent, « Que la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde d'Allah. » Assalamu alayka wa rahmatullah. Les anges ajoutèrent donc, « Ainsi que la miséricorde d'Allah. » Al-Bukhari et Muslim. 847. Abu Umara, Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné cette chose. Rendre visite aux malades, suivre les cortèges funèbres jusqu'au cimetière, dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah, à celui qui éternue, assister le faible, défendre la victime d'une injustice, répandre le salut, permettre à celui qui a prêté serment de s'en affranchir. Al-Bukhari, dont c'est l'une des versions, est muslim. 848. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez vraiment, et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui fera naître de l'amour entre vous? Répandez le salam parmi vous. Muslim. 849. Abu Yusuf Abdullah ibn Sallam, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ô gens, répandez le salam, donnez à manger aux autres, maintenez les liens du sang et priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 850. At-Tufail ibn Ubay ibn Ka'b rapporte qu'il avait l'habitude de se rendre chez Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, pour aller le matin au marché. Il dit, Abdullah ne rencontrait personne, chiffonnier, commerçant ou nécessiteux, sans le saluer. Je lui rendis un jour visite et il me demanda de l'accompagner au marché. Je lui dis, pourquoi vas-tu au marché alors que tu n'as rien à y vendre? Tu ne t'informes pas sur la marchandise, ni sur son prix, et tu ne t'y assois pas pour discuter avec les gens, même lorsque je t'y invite. » Il répondit, « Oh Abu Batn, ventru, At-Tufail avait en effet un gros ventre. Sache que nous n'allons au marché que pour saluer les gens que nous rencontrons. » Malik dans le Muwatta et avec une chaîne authentique.